Niyo Mungere. Chimie et Dorine Wimana sur la mise en onde. Bonjour à tous. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Commémoration ce 4 mai du 3e anniversaire de la mort du président Jean-Baptiste Bagaza et son parti plaide pour son mémorial. Et à Bouta, nous sommes de la province Bururi. C'est la commémoration du 22e anniversaire des 40 martyrs de la fraternité. Et le gouverneur de la province Bubanza appelle tous les administratifs qui collectent les contributions à les acheminer directement à la destination pour ne pas les subtiliser. Et l'excès d'alcool et le tabagisme sont les quelques-unes des causes de la naissance des enfants souffrant de la déficience mentale, nous expliquera dans ce journal le directeur technique de l'Institut médico-pédagogique de Mutuinzi dans la province de Gitega. Et après ce journal, vous aurez droit à la revue de la presse. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais dans les titres, commémoration ce 4 mai du 3e anniversaire de la mort du président Jean-Baptiste Bagaza et son parti Parena. Expliquer que le président Bagaza avait travaillé corps et âme pour le développement du pays et demander que le gouvernement lui attribue un mémorial pour au moins reconnaître certaines de ses œuvres. Je vous prie de suivre Salvatore Mbarutwabo, secrétaire général du parti Parena. Le président Bagaza quand même a beaucoup travaillé, bien servi le pays qui a bien travaillé. Et vous pouvez voir dans tous les domaines, par exemple dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des infrastructures routières, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des industries, dans le domaine de l'agriculture avec les SRDI, tout ça. Dans tous les domaines, je ne peux pas citer tout ce qu'il a fait. Toujours est-il que ce parti Parena Imbonerakure Burundi demande aujourd'hui, comme il a toujours demandé, nous l'avons déjà demandé même dans les années passées, qu'il faut que quand même le gouvernement fasse un effort pour lui attribuer un mémorial, par exemple, que ce soit une route, l'aéroport. En tout cas, parmi les œuvres qu'il a faites, il faudrait que quand même, on lui attribue quand même un certain mémorial. Ne fût-ce que pour le connaître, parce que ne pas le faire, c'est finalement décourager les autres Burundais qui aimeraient travailler et développer le pays, à l'exemple du président Bagaza. C'était Salvatore Mbarutwabo, il est le secrétaire général du parti Parena Imbonerakure Burundi. Ce 4 mai également, l'on commémore le 22e anniversaire de l'assassinat des 40 élèves du petit séminaire de Bouta en province de Bururi, des élèves baptisés martyrs de Bouta. Dans son homélie, l'archevêque de ce diocèse de Bururi, Vena Wachinoni, a appelé les Burundais à prendre l'exemple de ces martyrs et à semer l'amour entre eux. Il a également comparé le Burundi à une pilogue qui, selon lui, chavire tout le monde et c'est tout le monde qui part. Je vous prie les précisions avec Jean-Pierre Misago qui vient d'être joint au téléphone par Evariste Nzikobanya. Jean-Pierre Misago, tu es au petit séminaire de Bouta. Qu'est-ce qui se passe pour le moment? Pour le moment, une messe à la mémoire des 40 martyrs de la fraternité de ce petit séminaire Saint-Paul de Bouta est en train de se passer et c'est une homélie présidé par Monseigneur Vena Bachinoni, évêque du diocèse catholique de Bururi. Dans le dire de l'archevêque de Bururi, qu'est-ce qu'on peut retenir? Dans cette homélie de l'évêque du diocèse catholique de Bururi, on retient que Monseigneur Vena Bachinoni appelle aux Burundais de vivre en amour, un amour relégué par Jésus-Christ dans les saintes écritures, et comparant ainsi le Burundi a un bateau à bord duquel tous les Burundais voyagent. Il a appelé tout Burundais à éviter que ce bateau connaisse un naufrage. Qui participe dans ces cérémonies? Dans ces cérémonies, je vois des chrétiens catholiques venus de la paroisse de Bururi, du diocèse de Bururi, des différentes paroisses, notamment celui de Rumeza, Munini, Kigama et Rutovu, à côté des chrétiens ordinaires de ces paroisses. Je vois également des élèves de l'ETS Kigama, du lycée Rutovu, de l'ETS Kiremba, du lycée Kiremba Sud, du lycée Bururi, également des élèves des lycées communaux qui sont dans le voisinage, dans les environs de ce sanctuaire des martyrs de Bouta. Merci Jean-Pierre Misago et Evariste Nziko Wanyaka qui nous faisaient part de ce qui se passe au niveau de la commémoration du 22e anniversaire de l'assassinat des martyrs d'Obuta. Et on continue avec ce journal. Le gouverneur de la province de Bubanza demande aux administratifs chargés de la collecte des contributions aux élections de 2020 de ne pas les garder, plutôt de les acheminer à la destination sans tarder. Boutoy Terence Nobi s'est fait savoir que 8 chefs de colline des communes Musigati et Bubanza qui avaient subtilisé ces contributions ont été sanctionnés conformément à la loi. À 13h03 dans les studios de la radio Sanganiro, on poursuit avec ce journal. Certains des habitants vivant à l'intérieur du pays saluent l'amélioration de certains vieux billets des francs burundais. Lors des interventions recueillies ce vendredi au cours de l'émission Girichushi Kirije sur la radio Sanganiro, ceux qui ont appelé ont indiqué que le billet de 1000 francs bourreaux a été oublié alors qu'il se déchirait très rapidement. Je prie de les suivre. Le billet de 1000 francs est aussi à améliorer car il se déchire très rapidement. Nous demandons qu'il soit mis sur la liste des billets à améliorer car le sachet qui couvre ce billet se déchire très rapidement. Moi aussi, j'aimerais dire que le billet de 1000 francs est à changer car si le sachet qui le couvre n'est plus, les gens ne l'acceptaient pas. Même s'il ne figure pas sur la liste des billets qui devraient être améliorés, il faut voir comment changer ce billet. Ce billet de 1000 francs fait objet de conflit. Les gens ne l'acceptaient pas car le sachet qui le couvre est déchiré. Ce billet est aussi à améliorer. C'était certains des habitants vivant à l'intérieur du pays qui demandent l'amélioration également des billets de 100 000 francs bou. Et le gouverneur de la Banque centrale, Berbe, explique que ce billet de 1000 francs bou n'était pas concerné par ce renouvellement. Lors d'un point de presse de jeudi, Jean Chiz a indiqué que la Berbe compte revenir sur ces billets dans les jours à venir. Je vous prie de le suivre. Alors nous avons essayé de faire fabriquer ces nouveaux billets dans un papier de haute durabilité qui peut résister, que ce soit à la mauvaise manipulation, mais aussi à une vitesse grande de circulation. Pour le billet de 1000 francs, on va y revenir. Il n'a pas été concerné par cette émission, mais le papier qui a été utilisé, nous avons eu des assurances que c'est un papier de haute durabilité, donc qui va pouvoir résister au niveau de la circulation de ces billets. Et dans la suite de ce journal, le ministère des Travaux publics invite les transporteurs des biens et personnes à bord des taxis-voitures à colorer ces derniers. Au cas contraire, ils se verront interdits d'exercer ce métier. L'annonce a été faite ce vendredi par Jean Bosco Nzonimana, ministre en charge des Travaux publics et Transports, lors de la présentation des réalisations de son ministère au cours de ces trois derniers mois. Le ministre Nzonimana a fait savoir que c'est dans l'optique de diminuer les cas de vol qui s'observaient dans ces jours-ci à mairie de Bujumbura. Je vous prie de le suivre. Nous sommes au courant de cette situation. Nous avons même sorti une ordonnance. Nous avons déjà échangé avec les transporteurs pour que ces derniers puissent colorer leur taxi. Il y a une loi qui stipule que toutes les voitures utilisées comme taxi à mairie de Bujumbura doivent être colorées au bleu-blanc. Et pour les taxis qui montent à l'intérieur, ils doivent être colorés en jaune. La loi est là, il faut qu'elle soit respectée. Une personne peut quitter son lieu de travail et il met l'emblème de taxi à son véhicule, alors que ce n'est pas le cas. On ne veut pas un tel désordre. Je le répète, la loi est claire. Celui qui veut travailler dans ce secteur, que son taxi soit coloré, et celui qui ne veut pas, qu'il quitte le terrain. Ce sont ces gens-là qui vont se constituer en des bandes armées suite à ce désordre. Celui qui ne veut pas colorer sa voiture, qu'il l'entende bien, on ne va pas collaborer avec lui. Et concernant les files d'attente qui s'observent sur les parkings au centre-ville de Bujumbura, le ministre Jean Bosco Nzonimana a déclaré que le gouvernement est en train de contacter différents opérateurs dans ce secteur pour qu'ils puissent importer d'autres bus pouvant transporter beaucoup de personnes. Encore une fois, le ministre Jean Bosco Nzonimana Et concernant les files d'attente au niveau du parking sur le marché central pour les gens qui rentrent le soir, en tout cas, le gouvernement, c'est vrai, les bus ne sont pas nombreux, mais le gouvernement a fait une mesure d'accompagnement, notamment sur les bus de l'Otraco qui sont toujours le soir sur le parking pour pouvoir transporter les gens pendant le soir. Donc, ce sont des efforts que le gouvernement a déjà vraiment commencé à mettre en place. Mais ici, nous sommes en contact avec les transporteurs pour qu'ils se regroupent en coopérative et en fait qu'ils puissent quand même acheter de nouveaux bus. Ici, le gouvernement aussi a fait des efforts en exonérant les bus de moins de 30 personnes, mais des bus neufs. Donc, le gouvernement a essayé quand même d'encourager les transporteurs pour pouvoir vraiment importer les véhicules qui viendront aider dans ce secteur. Mais vous comprenez quand même qu'il y a des efforts de l'Otraco pendant le soir pour pouvoir aider à transporter les gens à mairie de Bujumbura. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Et le directeur technique de l'Institut médical et pédagogique de Mutwenzi en commune et province, Guy Tega, indique que l'excès d'alcool et de tabagisme sont à l'origine de la naissance des enfants souffrant de la déficience mentale. Ce cadre de cet institut qui traite les enfants souffrant de la déficience intellectuelle parle aussi de l'automédication et du traumatisme permanent, chez les femmes enceintes comme cause non moindre. Les précisions avec Gérard Nibigila depuis Guitéka. Frère Nguyen Dodieu est directeur technique à l'Institut médico-pédagogique de Mutwenzi, commune et province Gitega. Cet institut traite et éduque des enfants souffrant de la déficience intellectuelle. Frère Nguyen Dodieu explique certaines des causes de la déficience mentale chez les enfants. Il y a l'alcoolisme, ceux qui abusent au niveau des boissons alcoolisées. L'alcoolisme cause des dégâts plus que même les drogues. Il y a aussi le tabagisme, il y a les produits toxiques, par exemple le fait de prendre les médicaments contre-indiqués, les maladies métaboliques, le diabète, l'hypertension. Il y a aussi les enfants qui connaissent un traumatisme psychique, les enfants qui ne sont pas aimés, délaissés, et le fait que les parents ne s'entendent pas bien. Surtout, le fait que la maman grosse n'est pas au centre de la famille et néglige. Il parle aussi de la génétique comme cause incorrigible. Il y a des causes aussi qu'on ne sera pas évité, par exemple les causes génétiques. Le problème génétique, c'est difficile. Qu'il y a un chromosome qui manque, un chromosome qui s'ajoute, ça. C'est l'affaire, je dirais, de Dieu créateur. Enfin, il donne quelques conseils aux mères enceintes afin de parvenir à la réduction du nombre des enfants qui naissent avec une infirmité motrice et cérébrale. Il faut qu'ils évitent l'exagération dans la prise des boissons alcoolisées. Il y a aussi le tabagisme. Il faut que les hommes soient soucieux de les réformer pendant la grossesse, sans les traumatiser. Les mamans doivent aussi consulter leurs médecins à l'accouchement. Les familles doivent conduire rapidement les femmes grosses pour qu'ils accouchent dans le milieu convenable. Cet institut médico-pédagogique de Mutwenzi, créé en 1983, appartient à la congrégation des frères de Notre-Dame et de la Miséricorde. Depuis Gitega, Gérard Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira et de la culture pour clore cette édition. La jeunesse burundaise est appelé à ne pas copier la culture étrangère qui n'apporte rien au développement de la nôtre. Propos de la ministre de l'Éducation et de la Formation patriotique et professionnelle ce vendredi à Makamba lors du lancement officiel des activités culturelles dans les écoles fondamentales. Janvier Ndirahich a trouvé que malgré l'évolution des nouvelles technologies, cette propagation ne doit pas pousser la jeunesse burundaise à mettre de côté leur culture. Le point avec Jérôme Hakizimana depuis Makamba. Dans ces cérémonies de lancement officiel des activités culturelles dans le cadre de consolider la culture burundaise dans les écoles fondamentales, la ministre de l'Éducation a dit que malgré la propagation de la nouvelle technologie dans le monde entier, la jeunesse ne doit pas laisser d'opter notre culture burundaise qui a toujours caractérisé nos ancêtres. Elle souligne que notre pays a besoin d'une jeunesse qui évolue en reconnaissant le patrimoine culturel burundais. Le pourquoi de ce ministère de l'Éducation d'avoir organisé ces compétitions entre les écoles fondamentales de la direction provinciale d'enseignement de Makamba, lesquelles poursuivront dans les autres provinces. Elle demande à la jeunesse de se désintéresser de la culture étrangère qui ne contribue rien à notre développement car, explique-t-elle, elle pourrait s'appeler la nôtre, mettant en exergue l'exemple des tatouages pour les élèves, le mauvais habillement et autres. Toutefois, Madame la ministre encourage les élèves qui s'attellent à l'affermissement de la culture en milieu scolaire, que l'État fera de tout son mieux pour les soutenir. Les élèves de différentes écoles fondamentales, à travers ces compétitions culturelles, illustrées de différents talents, sans oublier la dissertation et la lecture d'Ikirundi, ont exprimé leurs idées en concrétisant l'esprit du génie culturel du Burundi. Jérôme Hakizimana depuis Makamba, Radio Isanganiro. Merci Jérôme Hakizimana. Ainsi se referme cette édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que ce 4 mai, c'est la commémoration du 3e anniversaire de la mort du président Jean-Baptiste Bagaza et son parti demande que le gouvernement lui attribue un mémorial pour reconnaître au moins les unes de ses œuvres. Et à Bouta, dans la province de Bururi, c'est la commémoration du 22e anniversaire des 40 martyrs de la fraternité. Et le gouverneur de la province de Ouanzé appelle tous les administratifs qui collectent les contributions aux élections de 2020 à les acheminer directement à la destination pour ne pas les subtiliser. Et l'excès d'alcool et le tabagisme sont les quelques-unes des causes de la naissance des enfants souffrant de la déficience mentale. Vous avez entendu les explications du directeur technique de l'Institut médico-pédagogique de Mutwenzi en commune et province Gitega. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci également à Pita Sendaïchimie pour sa collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Placide Niomungere. Tout de suite, vous aurez droit à la revue de la presse. Un bon week-end à tous. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous captez. Percy Butihinda, titre l'hebdomadaire Iwachu. Plus d'une semaine après les échauffourées du 20 avril sur la colline Rukira, commune Butihinda, province Muyinga, les opposants vivent la peur au ventre. Ils disent être intimidés, arrêtés, emprisonnés, empêchés de faire leur deuil, etc. Ce que rejettent l'administration et la police. Les reporters d'Iwachu rendus sur place ont trouvé que les esprits sont loin d'être apaisés. Les intimidations, les rondes nocturnes des jeunes affiliés au parti au pouvoir, des filatures, etc. se sont intensifiés. Toutes les sources contactées par Iwachu se montrent réticentes à parler et la famille de feu Aloïse Nchishubgenge, victime de ces échauffourées, dit craindre pour sa sécurité. Dans son éditorial, Iwachu souligne que quand il y a mort d'homme, cela devrait être un signal d'alarme pour les autorités. L'heure est grave, poursuit-il. À chacun de jouer son rôle pour arrêter cet engrenage de la violence. Le gouvernement doit adresser un message clair et fort, indiquant que la violence par les militants de tous les partis ne sera pas tolérée. Quant aux responsables de ces actes ignobles, ils doivent être traduits devant la justice, indépendamment de leur appartenance politique, renchérit notre confrère. Le journal Burundi Echo écrit sur le dépotoir de Mubone fermé. Le déchargement des déchets solides ménagers au dépotoir de Mubone a été suspendu depuis vendredi le 19 avril 2019 par le maire de la ville de Bujumbura. La raison est qu'il est devenu inaccessible aux véhicules des associations qui collectent les déchets dans les ménages de la municipalité. Selon lui, l'augmentation des déchets solides ménagers est consécutive au rythme de l'accroissement de la population urbaine. Les associations n'arrive plus à atteindre ou déverser les déchets. Comme solution immédiate, la mairie tranquillise la population citadine en l'informant qu'il a écrit une lettre au ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et Élevage pour qu'il puisse lui octroyer un terrain à aménager en dépotoir provisoire à utiliser pendant les quelques mois de la saison pluvieuse. La communauté des blogueurs Yaga écrit sur le secteur minier burundais. Il n'est point nécessaire de le prouver. Le Burundi regorge un potentiel minier important et malgré son exploitation pour la plupart artisanale, des velléités pour l'industrialisation de ce secteur commencent à faire signe. Se basant sur le code et le règlement minier, les blogueurs de Yaga s'interrogent. Pour quelle rentabilité? Qui gagne-t-on? Ce billet revient sur les recettes d'exportation de certains minerais sur les années 2017 et 2018. Revue de la presse. Dans les écoles de Mugamba, la diabolisation de 2015 se dissipe petit à petit, titre le journal La Voix de l'enseignant. La période électorale de 2015 a été difficile à gérer dans les écoles de la commune Mugamba. Les autorités scolaires, les enseignants et les élèves se rappellent des messages de diabolisation qui ont occasionné la polarisation sur base des appartenances politiques. Les politiciens sont pointés du doigt comme instigateurs de la crise qui a secoué pas mal des écoles de cette localité. Tous les membres de la communauté scolaire disent qu'ils ont tiré la leçon, qu'ils sont déterminés pour barrer la route aux messages de haine ou toute autre chose qui peut les faire retourner en arrière. Pour cela, ils ont décidé que les parents et les éducateurs doivent travailler en synergie pour épargner le mal aux jeunes. Un journaliste brièvement arrêté par la police écrit le journal à ligne Net Presse. Il était vers 19h45 de lundi lorsque le reporter de Net Presse a été arrêté par deux éléments de la police au centre-ville dans un endroit communément appelé kiosque Braroudi. Il assistait à un scénario où deux policiers malmenaient un jeune vendeur d'œufs. Il les avait cassés, selon toujours cette agence. Le journaliste est intervenu et les mêmes policiers se sont précipités sur lui, ont passé des minutes sur ses bras avant. Voulant connaître son identité, ils ont fouillé dans sa poche et ont trouvé une attestation de service. Ils l'ont vite relâché et se sont volatilisés dans la nature. L'agence burundaise de presse ABP revient sur le phénomène d'avortement volontaire qui reste une réalité dans certaines localités de la province Bubanza. Dans une réunion de sécurité tenue par le gouverneur de Bubanza mardi le 30, l'administrateur de Bubanza a indiqué qu'une fille habitant la colline Buhororo a été arrêtée au niveau de la colline Ruvumvu lorsqu'elle se rendait à Bujumbura pour l'avortement volontaire. En commune Mhanda, une autre élève a été surprise en train de tenter d'avorter. L'auteur de cette grossesse étant l'un de ses enseignants. Et dans la commune de Rugazi, poursuit ABP, une fille de la colline Kiyange a été violée. Il y a eu résistance des habitants sur place avec des armes blanches. Le gouverneur de la province Bubanza demande des sanctions aux auteurs, conformément à la loi et aux parents, de revoir l'éducation de leurs enfants. Ainsi, ça referme cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été présentée par Mireille Kanyange et Placide Nyo Mungere. Bonne suite des programmes sur la radio Sanganiro. À la prochaine. Revue de la presse.